Una cosa la lelota yantumbi kende paya chefu ya company yebisa Chantal ezali maladi ya mpanzi mbote keseni mbote bapesa kinga navandaki na ndako. Ça, je n'ai jamais vu. Pierre a l'obinanga. Tata n'a eu à bête à qui eu. Papa qui s'agit pour yonima. Papa, attention. N'a pas si la colla la terre. Chantal ezali maladi ya mpanzi mbote keseni mbote bapesaki nga navandaki na ndako sa je n'ai jamais.